les boss pour Harcom. Un bon acteur dans un sitcom. Donc si t'en es comme chien et chat, fighter sorti chez Capcom. Je tape des coupes et le pot qui raconte des épopées à mon sujet. Les langues de pute, les MC flûtes, tous ceux qui veulent m'entuber. Vers quoi je deviens nerveux. Narquois sont les petits merdeux. Pourquoi? Car le match de face fait des haineux, mon vieux. Ascension de mon crew fait des jaloux qui boycottent. Les langues de pute qui jacquent trop dans le métro nous toche. Fuck, fuck, si tu veux m'enterrer, viens payer super, mais t'es ouf. ATK, heptagone, max de face, gars, sale. Je avoir d'amertume lorsque ma mère trime. C'est pour ça que je taffe chaque jour pour pouvoir ramener mes thunes. Heptagone, deuxième volet, le pilier 5 posé verset pour un rap universel. Donc faut que j'allume l'étincelle. ATK, c'est fou qui prend du poids comme un gars obèse. À l'album chromé, au lyrique chaud comme la braise. Si certains trouvent qu'on pèse et qu'on lâche des lyrics qui plaisent, achète l'album, c'est pas de la baise. AXS pour te mettre à l'aise, mec. J'entame la promo de l'album, entends nos projets d'école. Le pilier 5 de l'heptagone fait tout pour que ses rimes détonnent. ATK, c'est pro heptagonal. Faut que notre album explose et reste gravé dans les annales. ATK pour les scots, celles qui m'ont fait mal bureau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Plus d'époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés. ATK pour les scots, celles qui m'ont fait mal bureau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Plus d'époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés. Allez, je l'ai acquis, le 7ème sens, ouais. Je le dois acquis. C'est player, hip, mon arme, un argot, Mike, en face, ils savent qui. Quiconque me défie, même King Kong, je l'aurais conquis. Comico, Makini, mes stats stables sur mes plates-bandes. C'est pin, foot le boxeau, un grand pin, ça sent du gang. Je ménage mes sens, con, skip les MC, même leur gang. Bande, de naze, gaz, pour les cases et dans l'extase. Écrase, pour mon blaze, blouse les 12, galera, c'est naze. Max de face, dessus, RS, le black escroc, si trop, t'en fais les foot flair. Ta mère, le black mytho, faux. J'en boxe un, quand mixer, faut que ça le fasse un. Que mon rap atteigne les uns où il se répond comme le larcin. Si j'aboie des les mots, c'est pour répondre le vaccin. FK, je représente le pilier 1 de l'heptagone. C-O-N, en B-O-N, montre leur N sans P-I-N. Mais rien n'empêche de N-O-M ou S-O-N de répondre l'hexagone. C'est heptagonal, rap à tendance hexagonale. C'est le pilier connu dans le milieu, pas assez pour vendre des millions. Donc on rame la chose échantillon. Sur scène, sur époustillon. Public en ébullition, comme en octobre à place de la nation. Sur scène, t'as vu ta voix. Maintenant t'acclames à fond nos prestations. On rap pour notre public et ceux qui soutiennent, puis la création. On monte sans avoir présomption. Juste confiance et motivation. Adulé, acclamé comme Jésus-Christ lors de sa résurrection. ATK sur beat, un seul but. Arraché comme l'épilation, et si à succès, ne jamais subir une seule transformation. ATK pour les soins, celles qui m'ont fait mal bourreau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Triste époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés. ATK pour les soins, celles qui m'ont fait mal bourreau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Triste époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés. Écoute, c'est le seigneur, j'donne une goutte de trop et tout un tas de phases, une nouvelle teinte. 14,285% de l'heptagone pointe. Et fait comme une sardine gueuleur. Mais là en sourdine, des clics, nouveau challenge. Combat d'amis serré entre 5 phalanges. Mon texte allonge, mets en danger. Si compétent pour pas que ça gagne la bourse, c'est le feu qu'on veut engager. Ok, pur grabuge, l'heptagone fera tout pour qu'un bande FM spurge. Et caresse au soleil, la pilule, mes potes que disparaissent. Dans mon tête, c'est que chaque cas il bécote. Une musicale fructueuse, fuck ceux qui nous boycottent. Et même si des sangs m'attendent dans une chute infernale, tu es multueuse. Si un égard du labo à tes caps, une envie putain de manque les billets, mais pas la poussière. Moins opportuniste, non. Que je crache pas dans la soupière. ATK pour les socs, celles qui m'ont fait mal bourreau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Triste époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés. ATK pour les socs, celles qui m'ont fait mal bourreau. ATK, texte en cours pour les MC mal barrés. Triste époque, fuck fuck. Scarlett aussi, c'est Mdao. J'suis de la sorte, fuck fuck. Les faux MC sont taillés.